Le fil rouge de mon intervention aujourd'hui, vous le vérifierez, c'est résumé en un mot, transparence. Hitzeman zuitian xede zunbait bituik dia, beste zunbait bidian, hoi dio Louis Labado mauleko meak. 2021 urtia markatuik izan da mauleko ospitaleko afeaz. Azken urtetan kudeaketan, arrenkioak izan onduan, sosmentz estrukturala du ospitaliak eta lanina idela hunen konpontzeko dio mauleko meak. ARS eskualdeko sagarri agentziak 2000-ko soslagingoa inbertituko balin badu, sosmentz adate wano. Hale, langile kanpoatzia mehatxia aipatzea Patrick Isansen est à Hunia Raposti et Manahisian. Un plan de redressement puisse être envisagé, mais ça se discute d'abord, quoi. Non, comme ça, après le propos, non. Vous voyez que ça me fait sourire. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, pas du tout. Bestalde, ekargu hartzetik jamanik izan dien xediak azpimarratu ditu Louis Labadok, mauleko futzelaiaen behitzia, biazkatze politikoa palestinako balata herriaekin, ageriako afean elkibide bat atzamanik eta beste. Aspalditik galteginik den maule gaineko plazaen behitzia ze mintzatu da. Place de la Haute-Ville. Le marché a été attribué à hauteur de 1,850 000 euros avec l'éclairage public. Début des travaux lundi 15 janvier. Fin de la première tranche jusqu'à la fontaine le 10 juin 2024 pour les fêtes de la Haute-Ville. Eriko etxeko langile guziak ere mestiatu onduan aurtene lanin jarraikiko ziela maulentako azpimarratu du Louis Labadok.